Jiggy. Tu sais déjà. Kafir. ASDO. Je dis la main en l'air, tout le monde fait ça. C'est black à l'oreille et tout le monde sait ça. C'est pour la maille que tout le monde fait ça. Je suis toujours dans le même délire et tout le monde sait ça. Tout le monde fait ça, ça fait clic clic bang bang, le monde est sale. Regarde la mode s'installe, puis t'es ouf, puis t'es haut, puis dans ce monde bestial. On reste frais et stable, tu connais mon équipe montée sans piédestal. Frérot, on se rend toujours disponible, je suis clair dans mes propos, je te rends toujours indiscutible. J'ai des vrais trucs et j'ai toujours que dalle en poche, et quand le monde s'assombrit, mon lyrique c'est comme à lampe torche. Combattant, écris-le avec un grand C. Ça fait quelques années que j'ai arrêté de faire du rap français. C'est quand je pose le microphone que tout le monde fait ça. C'est du black à l'oreille et tout le monde sait ça. C'est quand je me défonce sur le beat que tout le monde fait ça. C'est du black à l'oreille et tout le monde sait ça. C'est quand je pose le microphone que tout le monde fait ça. C'est du black à l'oreille et tout le monde sait ça. C'est quand je me défonce sur le beat que tout le monde fait ça. Traverser le Grand Canyon entre voir et faire. Je suis black à l'oreille et playboy, je suis noir et fier. Moi et les frères, les blancs, les bicots. Comme Malcolm X, on crame leurs plans dans le dico. On fait du son, mais y'a du sens dans les discours. Tu veux des scènes sous des billets de sang, y'a des bispos. Les rappeurs jouent les euros. Frérot, perds pas ton temps parce que les heures c'est des euros. Ils disent le bled inégal, alors on égalise. Cabis c'est tout le bordel, on baise l'état quand on se légalise. Revendication dans toutes mes vocalises. J'exige mes droits comme dans les contrats que mes avocats lisent. Dédicace à mes ladies, à tous les vrais bonhommes. Parce que quand le temps passe, au final y'a que les vrais qu'on nomme. Mes frères et moi, on aime les vraies causes. Parce que les vrais renois font les vraies choses. C'est quand je pose le microphone que tout le monde fait ça. C'est du black à l'oreille et tout le monde sait ça. C'est quand je me défonce sur le beat que tout le monde fait ça. C'est du black à l'oreille et tout le monde sait ça. C'est quand je pose le microphone que tout le monde fait ça. C'est du black à l'oreille et tout le monde sait ça. C'est quand je me défonce sur le beat que tout le monde fait ça. C'est du black à l'oreille et tout le monde sait ça. Let's go. Ok. Yeah. Si c'est le black à l'oreille, et qui le caf, Asto. Et qui tu sais déjà, Jiggy. Je suis venu avec mon boy, boost le mic. Brand new. On va faire un truc que t'as jamais vu avant. Exclu. Boost le mic, va faire danser la foule. Yeah. Et moi-même, je vais faire penser la foule. Okay. Okay. Tout simple, boy. Le savoir est une arme, tout le monde sait ça. C'est les vrais ça. Gars font les vrais jazz, tout le monde sait ça. N'oublie jamais d'où l'on vient, tout le monde sait ça. C'est l'unité qui fait la force, tout le monde sait ça. C'est quand je fais de la mini fraîche que tout le monde fait ça. Que je casse mes cordes vocales, que tout le monde fait ça. Saute comme un malade, que tout le monde fait ça. Écris ASDO, que tout le monde crie ça. C'est quand je pose le microphone, que tout le monde fait ça. C'est du black à l'oreille et tout le monde sait ça. Jiggy.